chose va disparaître au bout de la rue. Je la suis du regard de mon balcon perdu. Alice, ma joie te suit, j'entends ses rires sur tes pas. Alice, ma vie te suit, je ne sens plus rien en moi. Alice, fais-moi un signe, montre-moi que j'existe quand tu es loin de moi. Alice, Alice, reviens, sans toi, je ne suis plus rien qu'un fantôme, un lutin. Alice va disparaître au bout de la rue. Alice, tout va disparaître derrière toi. Alice, plus rien n'est sûr, je te reverrai bien sûr. J'y crois des fois, je sais pas. Je pense tout le temps à toi. Alice, fais-moi un signe, montre-moi que j'existe quand tu es loin de moi. Alice, Alice, reviens, sans toi, je ne suis plus rien qu'un fantôme, un lutin. Alice va disparaître. Alice a disparu.